La patrouille de nuit est à l'entrée du Tchex. Tout est froid, les trois dans le duplex. Dans un Uber X, quand elle veut du sexe. Il me reste du dollar et il me reste du texte. Chasse le naturel et revient comme une ex. Comme tes soi-disant amis d'enfance. Y'a ceux qui tirent vers le haut, ceux qui t'enfoncent. Ceux qui tirent vers le haut, ceux qui t'enfoncent. Non, non, j'ai pas de réponse. J'suis dans tes pensées comme un fantôme. À deux sur la bécane gantée. Pas la même vision, je suis en norme. Des fois l'impression d'être morné. J'suis un ange avec des cornes. J'suis un ange avec des cornes. Pas d'amitié avec les autres. Donc si tu touches mon trésor, j't'enverrai direct à l'hôpital. Maintenant y'a plus de pitié. J'fume de la cage de la médicale. Et j'm'isole pour méditer. À l'époque dans les poches j'avais pas 10 balles. Mais sur le terrain j'les ai dribblés. Écoulé l'arrivage. J'ai mis mon cœur dans l'entonnoir. Mes rêves sur le trottoir. Devant le four, un drapeau noir. Des gaines de sonar. J'crois que j'ai jamais cherché le bonheur. Et j'pense pas le vouloir. Je compte tapis toutes les couleurs. Au fond du couloir, j'ai mis mon cœur dans l'entonnoir. Mes rêves sur le trottoir, devant le four, un drapeau noir. Des gaines de sonar, j'crois que j'ai jamais cherché le bonheur. Et j'pense pas le vouloir, je compte tapis toutes les couleurs. Au fond du couloir, au fond du couloir, c'est noir. Et de bas, oui, j'serai à l'heure. J'fais des erreurs, j'suis un homme. J'mets pas la faute sur les autres. Tu connais, casse-pipe, on y allait. On a pris des péchés dans la zone. Et pour la somme, y'avait la résine. Papier coloré pour la réussite. Et ça parlait d'aller prendre la recette. Et le sort d'un gris après ça ressort. Ça sortait souvent sur eux. Demain ça recommence, nos vies ont des ressorts. Ça fait des délits pour le rallye. Si demain c'est pas ça de police ou c'est